Entrevue du 18 février de l'année 2025 en relation avec l'intelligence conversationnelle qui se rapporte à l'œuvre de Marc Delassalle, donc auteur et conférencier que j'ai interviewé à plusieurs reprises. En bas de l'enregistrement présent, naturellement, vous allez pouvoir retrouver le lien web pour accéder au robot conversationnel ayant trait à l'œuvre de cet écrivain québécois. Donc, je vais y poser des questions à cette intelligence artificielle pour explorer différents sujets. En fait, c'est sûr, ça me fait quelque chose aujourd'hui, l'enregistrement, parce que, bon, Marc Delassalle a été, au fil des ans, un des invités mémorables que j'ai reçus là, sur ma chaîne YouTube. Pendant près de 9 ans, je l'ai interviewé sur de nombreux sujets et il est décédé au moment où il a fait cet enregistrement, en 2025. Il est décédé en 2020, donc ça fait environ 4 ans. Et de pouvoir converser avec une voix conversationnelle se rapportant à lui alors qu'il est mort il y a quelques années et que je l'ai très bien connu. Pour avoir fait des enregistrements avec lui, mais aussi l'avoir fréquenté dans ma vie personnelle en tant qu'ami. C'est sûr, ça me fait quelque chose. Et c'est sûr que le développement de l'intelligence artificielle, je ne sais pas au niveau du deuil si ça ne va pas nuire à certaines personnes de passer à autre chose, parce que là, on va pouvoir éventuellement discuter avec le double numérique, pas le double vibratoire, là, mais le double numérique qui se rapporte à une personne, donc l'intelligence artificielle qui peut être générée en lien avec l'œuvre qu'il a eue de son vivant. C'est particulier. C'est particulier, c'est comme s'il existe encore dans un certain sens, et sans doute avec la machine qui va se raffiner, qui peut imiter le ton de voix, les tournures de phrases, la manière de s'exprimer, ça va être de plus en plus perfectionné avec le temps. À un moment donné, ben, quelqu'un va avoir quelqu'un qui est décédé proche de lui, ça pourrait être sa compagne, ses enfants, des amis, etc., puis s'imaginer que la personne est toujours vivante. Fait que c'est sûr qu'il peut y avoir des dangers, des risques de dérive. Naturellement, l'expérience que je fais en est que l'intelligence artificielle, je ne demande pas de croire. Le but, c'est pas de nourrir une religion, un culte ou une secte par rapport à un ou des personnes, mais c'est plutôt d'explorer ce que nous apporte présentement l'intelligence artificielle pour voir où ce qu'elle en est. Donc, sans plus tarder, je vais poser une question là, à l'intelligence artificielle qui se rapporte à Marc Delassalle. Je veux avoir des informations par rapport à l'auteur Marc Delassalle. Marc Delassalle est un auteur québécois qui explore des thèmes liés à la psychologie, la conscience, la transformation intérieure et la société moderne. Ses ouvrages, publiés aux éditions Vivre Autrement, abordent des sujets comme la psychologie du moi et de l'ego, avec une attention particulière à l'impact de la pensée sur l'identité et la personnalité. La mort et son processus, qu'il traite sous un angle de détachement et de compréhension des mécanismes inconscients qui y sont liés. La société moderne, en analysant ses dérives, ses déséquilibres et les transformations qu'il juge inévitables. Les relations humaines et de couple, avec une approche qui met l'accent sur la transparence et l'étude de soi. Il semble avoir une approche qui mélange psychologie, philosophie et spiritualité, en insistant sur l'importance de l'identité et du détachement des conditionnements sociaux et psychologiques. Si vous voulez un éclairage plus précis sur une partie de son travail, dites-moi. Qu'est-ce que le double pour Marc Delassalle? Pour Marc Delassalle, le double cosmique est une intelligence supérieure intégrée à l'homme qui transcende l'ego et l'astral. Il représente une connexion directe avec l'intelligence universelle, permettant à l'homme de s'élever au-delà des influences de la mémoire et de l'âme. Il est décrit comme la vibration la plus haute du mental supérieur, et son contact permet à l'homme de se libérer des illusions et des manipulations astrales. Cependant, cet accès au double demande une grande rigueur, car il ne doit pas être confondu avec des formes astralisées qui pourraient séduire l'ego. La fusion avec le double implique que l'homme ne réfléchit plus ses pensées, mais vibre directement l'intelligence. Cela signifie que la pensée ne vient plus d'une mémoire ou d'une programmation astrale, mais d'un savoir instantané et absolu. Si vous voulez approfondir, dites-moi sur quel aspect du double vous voulez en savoir plus. Est-ce que Marc de la Salle était fusionné avec le double? Il n'y a pas, dans les textes de Marc de la Salle que j'ai consultés, d'affirmation explicite indiquant qu'il était fusionné avec son double. Il parle abondamment du processus de fusion et de la relation entre l'ego et le double cosmique, mais il ne semble pas revendiquer pour lui-même cet état. En revanche, il met en avant l'importance de se libérer des conditionnements de l'astral et de la mémoire pour accéder à une intelligence supérieure, ce qui est une caractéristique de la fusion avec le double. Son approche insiste sur la nécessité d'une conscience claire et vibratoire, indépendante des influences extérieures. Si vous souhaitez une analyse plus détaillée sur sa manière de décrire la fusion, dites-moi. Par rapport à Marc de la Salle, qu'est-ce que l'évolution? Pour Marc de la Salle, l'évolution est un processus de transformation profonde de l'ego, permettant à l'homme de se libérer des influences astrales et de reconnecter avec son esprit véritable. Il oppose l'évolution à l'involution, cette dernière étant une période marquée par la domination de l'âme et de la mémoire sur la conscience de l'homme. L'évolution, en revanche, est la reconquête de l'intelligence réelle, libérée des illusions et des conditionnements mentaux. L'évolution ne se fait pas sans souffrance ni confrontation. Elle demande à l'individu d'affronter et de dépasser les limitations imposées par son propre ego. C'est une ascension vers une intelligence plus libre, où l'homme ne subit plus passivement sa programmation astrale. En somme, l'évolution, selon lui, est un arrachement à la condition involutive de l'homme, un retour à une conscience souveraine et intégrée, où la pensée ne se réfléchit plus, mais se vit dans l'instant du réel. Si vous voulez approfondir un aspect particulier, dites-moi. Qu'est-ce que la colère mentale pour Marc de la Salle? Pour Marc de la Salle, la colère mentale n'est pas une simple réaction émotionnelle, mais une énergie vibratoire liée à la libération de l'ego contre l'astral et le mensonge cosmique. Il distingue la colère astrale, qui est manipulée par les craintes et les émotions, de la colère cosmique, qui est une force froide et intelligente servant à établir une autorité sur la pensée astrale. La colère cosmique n'est pas un acte psychologique, mais une vibration qui permet à l'homme de s'opposer aux illusions qui le maintiennent sous contrôle. Lorsqu'elle est bien comprise, la colère devient un outil de transformation, un feu intérieur qui détruit la programmation astrale et permet à l'individu de reprendre son identité réelle en fusion avec l'esprit. Cependant, elle ne doit pas magnétiser l'homme, ni l'entraîner dans une spirale émotionnelle destructrice. Elle doit rester froide, dirigée et précise, servant uniquement à établir un ordre intérieur et extérieur. Si vous voulez explorer plus en détail un aspect particulier, dites-moi. Qu'est-ce que le néant pour Marc de la Salle? Pour Marc de la Salle, le néant est une condition vibratoire où la pensée cesse d'exister sous sa forme réfléchie. Il ne s'agit pas d'un vide passif ou d'une absence d'être, mais d'un état de conscience où l'ego ne se réfléchit plus et où l'homme accède à une intelligence directe et non polarisée. Le néant est l'expression éthérique de l'absence de pensée dans le mental supérieur. Il est souvent associé à l'antimatière, qui est une forme d'énergie permettant à l'homme de se régénérer sans passer par la réflexion mentale. Dans cet état, il n'y a plus de mémoire qui interfère avec la conscience, et l'homme devient un pur récepteur de l'intelligence universelle. Il insiste sur le fait que le néant ne doit pas être perçu comme une perte, mais comme une condition nécessaire pour accéder à une conscience supérieure. C'est dans cette absence de réflexion que l'homme peut capter la réalité des mondes invisibles et fonctionner dans un mental totalement libre de la programmation astrale. Si vous voulez explorer un aspect particulier de cette notion, dites-moi. Qu'est-ce que la régence planétaire? Pour Marc de la Salle, la régence planétaire est une autorité cosmique qui doit descendre sur Terre pour rétablir un ordre évolutif en lien avec l'intelligence supramentale. Elle n'est pas un gouvernement humain, mais un gouvernement vibratoire qui agit à travers les consciences éveillées capables de capter la lumière et de l'intégrer dans la matière. Ce concept implique une transformation profonde de la conscience terrestre. L'homme scient, c'est-à-dire celui qui a dépassé l'influence astrale et mémorielle, devient le chef d'orchestre de cette régence car il vibre à une fréquence qui lui permet d'interagir avec les énergies cosmiques. La régence planétaire ne doit pas être perçue comme une dictature spirituelle, mais plutôt comme un alignement naturel avec les lois de l'évolution. Elle repose sur une réorganisation du savoir, où la parole vibrante et consciente remplace les illusions involutives de la société moderne. En somme, la régence planétaire est une restructuration de la conscience humaine à l'échelle cosmique, où l'homme devient un être créateur, aligné avec l'intelligence universelle et libre de toute programmation astrale. Si vous voulez approfondir un point précis, dites-moi. Quel est le rôle des extraterrestres? Pour Marc de la Salle, les extraterrestres sont des intelligences différenciées présentes dans le cosmos universel, mais ils ne sont pas tous des êtres de lumière ou des entités conscientes de leur nature cosmique. Il les décrit comme des intelligences codifiées dans un espace-temps spécifique, mais qui, faute de transparence vibratoire, ne possèdent pas une conscience absolue de leur propre nature ni de celle de l'homme. Il précise que certains extraterrestres peuvent interagir avec l'humanité d'une manière astrale, ce qui signifie que leur influence peut être ambiguë, voire manipulatrice, car ils ne sont pas tous alignés avec les énergies du rayon de l'amour. Il avertit aussi contre une fascination excessive pour ces êtres, expliquant que cela peut maintenir l'homme dans un état de polarisation mentale et l'éloigner de son propre développement vibratoire. En somme, pour lui, les extraterrestres ne sont ni des sauveurs, ni des entités omniscientes. L'essentiel est de ne pas se laisser piéger par une vision naïve ou idéalisée d'eux et de maintenir une conscience vibratoire, lucide et souveraine face à toute influence extérieure. Si vous voulez approfondir un aspect particulier, dites-moi. Bon, je vais arrêter ici la discussion avec le robot conversationnel lié à Marc de la Salle. En fait, si vous voulez, vous pourrez explorer davantage. Et je vous rappelle qu'il y en a un robot conversationnel par rapport à Bernard de Montréal, il y en a un autre ISO et aussi Marc de la Salle. En fait, en ligne, c'est trois robots conversationnels qui existent. Vous allez avoir les liens là, en bas de l'enregistrement présent. C'est sûr, ça me fait quelque chose aujourd'hui de discuter là, en ligne l'œuvre de Marc de la Salle. Parce que je réalise qu'il y a une intelligence artificielle qui, dans le fond, parce que je l'ai quand même interviewé pendant 9 ans, mais je vous dirais que par rapport aux propos qui sont tenus depuis tantôt, c'est conforme avec les questions que je posais avec Marc de la Salle, le type de réponse aussi qu'il me donnait. Donc, c'est sûr que c'est surprenant. On vit dans des temps particuliers où ce que l'intelligence artificielle se développe à une vitesse exponentielle. Donc, c'est en train de changer carrément ces robots conversationnels, là, l'humanité, à voir si c'est pour le meilleur ou pour le pire. Naturellement, comme dans toute chose, et je le rappelle ici, c'est très important de faire preuve d'esprit critique en lien avec les propos qui sont par rapport à des instructions ou des enseignements là, disponibles sur le web. Donc, sur ces considérations. Je vous dis merci de votre écoute. À bientôt. Au revoir.